Le progrès, attention, ils sont élevés par des chimails. Une nation, sous Dieu, l'occidental est une chimère. Le déni, c'est trop noir, après-demain c'est le cancer. La violence, c'est juste la pomme et le cancer. À propos de mécanique quantique, j'ai rien à faire à l'église. J'attends rien, j'aime pas le 638, même les ordures ont des fils. Bravo, fuck un hippie, fuck un roi jaune. Seul contre tous comme un Cafalbino. Tous ceux qu'ils voient chez moi, ils n'aiment pas trop Soy El Diablo. M'arrêter c'est insensé, j'ai une aile vision comme un sesui. J'ai Kiyubi dans mon sous-sol, y'a Heja, je suis prêt comme un sesui. Vos étiquettes ne tiennent pas sur moi, vous les portez à merveille. Je te préfère dans une flaque de vermeil. Toujours garde orthodoxe et silencieux comme si je m'appelle Sergei. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, elle m'aide à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma tout revendu, ma hey, hey, hey. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, elle m'aide à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma hey, hey. J'ai une hey. Étiquette sur le pull, t'as une étiquette sur l'orteil. Hey, gang, gang, gang. J'ai une étiquette sur le pull. T'as une étiquette sur leur tête. Aïe aïe aïe, je coupe à la machette, un bout de mon cœur pour le solder. J'ai le problème à la gâchette. Mental enfant soldat. Gazo et Django et sur le flemme, pas pour ta grand-mère. Pour BMR et Juana, ça tire comme à Tijuana. Dans tous les fronts en première ligne comme un tirailleur. Tu nous cherchais, tu nous as trouvés. Donc pourquoi tu tirailleurs? Beaucoup d'ennemis, donc ça peut défourailler à toute heure. Sur les réseaux, je te laisse parler. J'ai pas d'ennemis sur Twitter. Aïe. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, elle m'aide à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma hey, hey, hey. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, elle m'aide à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma hey, hey, hey. À bois beaucoup, donne-leur un os, ces chiens gampions. Prendre la confiance des conseillers comme ça on gonce. À bois beaucoup, donne-leur un os, ces chiens gampions. Prendre la confiance des conseillers comme ça on gonce. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, ils elle m'aident à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma hey, hey, hey. Y'a les choses qu'on dit, et les choses qu'on fait. Y'a les choses qu'on croit, et les choses qu'on sait. Comme un billet, j'appelle ma bitch, ils elle m'aident à compter ma paye. Je dormirai quand j'aurai tout revendu, ma hey, hey, hey.